Bonjour à tout le monde, bienvenue donc sur Radio Libertaire pour la suite, pour Bulle de Rêve. Bulle de Rêve, on va vous présenter, on va proposer une émission enregistrée aujourd'hui sur le festival de Clermont-Ferrand, qui a eu en ligne, comme malheureusement beaucoup de festivals, et une émission non critique. Vous allez entendre une émission qui va durer à peu près 1h45. Vous avez entendu un tout petit peu en ouverture une musique qui est sortie du film d'Damien Marona, malheureusement oublié cette année des Césars, très très beau film dont on vous a parlé régulièrement ici même. Ensuite, vous aurez deux que je voulais présenter, deux morceaux de musique, un d'un nouvel album, du nouvel album de Mogwai. On a choisi le morceau Richie Sacramento de leur album qui s'appelle As Love Continues, qui est sorti le 19 février, qui est un groupe très connu, notamment évidemment de rock progressif. Et ensuite, vous aurez en finale Scar, dont on vous a aussi beaucoup parlé, avec son morceau I Had to Leave. Donc voilà, très très bonne émission. On espère vous retrouver évidemment bientôt. Pourquoi pas en direct. Et merci Ariel, donc on va essayer de lancer l'émission. Ok. Happiness is a small thing, almost nothing, a saucer of milk, bit wet tongue, a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing, almost nothing, a hand, a smile, a voice, je suis en compagnie de Nicolas Tisse et de Pascal Leduf pour une table ronde critique consacrée au festival de Clermont-Ferrand qui s'est tenu en ligne du 29 janvier au 6 février. Nous allons évoquer quelques films parmi la sélection et ensuite nous vous livrerons quelques coups de cœur. Pour commencer, j'avais envie de vous demander, Nicolas, Pascal, qu'est-ce que vous avez pensé de ce festival qui s'est donc tenu presque exclusivement en ligne ? Alors, de mon côté, comment dire ? C'est un petit peu comme la plupart des festivals depuis pratiquement un an maintenant, c'est-à-dire que c'est toujours vraiment très très bien que ça puisse se tenir et que ça puisse avoir lieu et qu'il n'y ait pas justement une annulation pure et simple du festival, parce que au moins ça permet toujours de pouvoir voir les films. Mais malgré tout, il manque vraiment l'expérience festivalière, c'est-à-dire qu'on ne voit personne, on est juste derrière un écran à regarder des courts-métrages un petit peu au hasard, parce que c'est vrai que même si dans la programmation on pouvait voir par exemple la compétition France 1, France 2, etc., on a quand même peut-être tendance à piocher un peu à droite et à gauche, et il manque vraiment de quelque chose. Il manque le grand écran, il manque l'expérience du festival, et vraiment, j'ai hâte qu'on revienne à Clermont-Ferrand tel que c'était avant, c'est-à-dire passer d'une salle à l'autre, voir les gens faire la queue, rentrer en salle, ne voir les films et avoir finalement une programmation déjà prévue et avec un ordre déjà établi finalement, et pouvoir partager avec tout le monde. Et surtout, pouvoir voir les films dans des conditions qui sont encore meilleures et qui sont encore plus favorables que celles qu'on a aujourd'hui. Mais bon, malgré tout, on peut pas nier, c'est quand même toujours super intéressant de pouvoir enfin avoir accès à pas mal de courts-métrages qu'on a du mal à voir en général autrement. Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en effet, c'est mieux que rien, hein, mais ça n'est pas assez. Il manque le chaleur des visionnages partagés en salle, l'ambiance, mais on voit les films ont un peu leur chance d'exister. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de... il y a un modèle à suivre, je trouve, enfin, une évolution des festivals quand ils reviendront in situ. L'idée d'avoir peut-être de jongler entre le festival in situ et des choses en ligne, parce qu'après tout, les festivals ne sont pas accessibles en dehors des gens qui sont sur place, et là, ça universalise un peu les festivals. Ça, c'était là, j'aime bien. Donc, il y a peut-être quelque chose à pérenniser là-dessus, mais dans les remarques que tu faisais, quelque chose qui m'a un peu marqué, c'était l'idée qu'il n'y a plus vraiment de programme. C'est-à-dire que les films, on peut les voir de manière indépendante. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour les films de Clermont. J'ai pioché dans ce que j'ai pu voir. Et c'est pour ça que j'avais aimé la démarche du Austrian Animation Festival. C'est-à-dire que les films étaient présentés dans le sein d'un programme. Et c'était difficile de les voir de manière indépendante. C'est vraiment, tu regardais le festival dans son intégralité. Et autre petit détail qu'ont adopté ce festival et le festival de Gérard Armé, et sont des choses que j'ai appréciées sur la diffusion en ligne, c'est qu'il y avait un encadrement. C'est-à-dire que les programmes de l'Austrian Animation Festival, le Today's Animation Festival, il y avait une présentation très brève pour accompagner les films, pour les présenter. Il y avait un peu de vie, quoi. Et Gérard Armé a fait un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y avait le petit logo pour les gens qui vont sur place, le petit film où on voit tous les petits monstres des films d'horreur qui précède chaque film. Et il y avait ça dans chaque film de Gérard Armé. Et même pour les films de la compétition, il y a une petite mise en scène un peu ratée, mais qui au moins donnait de la vie, quoi. Il y avait cette idée-là de mettre un peu en scène le festival. Donc il y a évidemment un manque. Depuis un an, les festivals... À part la petite fenêtre qu'on a eue entre août et octobre, ça manque de festival en vrai. Mais peut-être pour le futur, essayer de jongler entre les deux versions, quoi, ça, pour que plus de gens aient accès au film. Après, chaque festival fonctionne de manière différente. Certains sont en ligne gratuitement, d'autres sont payants. Certains proposent toute la programmation, dont on des sélections plus raccourcies. Mais... voilà, vivement les festivals en vrai bientôt. Quoi. Et oui, et juste alors pour quand même préciser, c'est vrai que dire qu'il n'y a plus de programme ou de programmation, c'est quand même un petit peu abusé. Et je préfère quand même essayer de modérer un peu mon propos, parce que c'est vrai qu'on peut quand même voir les films. On pouvait voir par exemple Labo 1, Labo 2, etc. Mais je pense que comme pas mal de spectateurs, après tout dépend du spectateur, par exemple, moi il y a des films que j'attends un petit peu. Il y a des films, je sais que je vais pas pouvoir passer, par exemple, comme quand je suis à Clermont-Ferrand, directement, où en fait on est par exemple 3-4 jours à Clermont-Ferrand et on ne fait que le festival, on passe d'une projection à une autre, on va de l'un à l'autre. Là par exemple, je suis dans ma vie normale et je ne suis pas du tout dans un mode festival, ce qui fait qu'en général j'ai tendance à piocher quelques films et à ne pas avoir le temps de voir autant de films que d'habitude, parce qu'en fait je ne suis pas du tout dans un vraiment dans un mode festival. Et finalement, au lieu de voir tout le labo 1, tout le labo 2, tout le labo 3, tout le labo 4, tout le labo 5, j'ai tendance à aller vers des films que j'attends d'abord. Et donc finalement, me faire ma propre programmation avec en premier les films quand même les plus attendus, qui sont les films qu'il faut que je voie et que j'ai le plus envie de voir, et qui n'ont absolument aucun ordre identifié et aucun aspect programmatique d'une certaine façon. C'est-à-dire que, et ça, je me rends compte à quel point c'est pratique et à quel point c'est dommage en même temps. C'est pratique parce que, évidemment, j'ai pas le temps de voir tous les films, donc au moins je vais vers ceux directement qui peuvent probablement m'intéresser. En même temps, j'ai découvert moins de choses et j'ai moins ce côté découverte. Et puis le problème, c'est que justement, j'ai moins l'aspect programmateur, c'est-à-dire que dans un festival, il y a quand même un programmateur qui va nous faire une sélection et avec un ordre particulier. Et en fait, qu'on ait envie de voir un seul film dans le programme, on va quand même être obligé d'une certaine façon de tous les voir. Et ça va permettre d'avoir un ordre, une sélection et puis surtout une idée de cinéma aussi qui va être imposée dans le programme. Et je vais aussi potentiellement faire de très belles découvertes, même s'il y a des films qui vont aussi potentiellement m'énerver, mais ça c'est pas un souci. Je préférerais être dans ce mode festival où je ne fais que ça pendant quelques jours. Et c'est vrai que ça, par exemple, ça manque beaucoup. Et je sais que là, par exemple, si ça devait se reproduire un an ou deux comme ça, au bout d'un moment, je pense que j'en aurais vraiment plus qu'assez et j'aurais du mal à pouvoir me plonger véritablement dans un esprit de festival où en fait on aura l'impression simplement que on peut piocher à droite ou à gauche quelques films comme si on regardait des films chez nous en temps normal, et on n'est pas dans cette ambiance là. C'est vrai que ça m'a reconnecté aussi avec l'idée de festival. C'est parfois j'en fais depuis maintenant 10 ans de manière très régulière, et là c'est vrai que tu te dis en fait ça permet de te rassurer sur le fait que t'es pas blasé. C'est vrai que quand je suis retourné en festival entre les deux confinements, bien j'étais peut-être, je sais pas, peut-être plus attentif, plus j'avais plus envie quoi, et donc ça m'a invité à faire plus attention aussi dans la suite d'en profiter, quoi, de profiter de ces découvertes, d'accepter plus l'ennui au sein d'un programme ou le rejet. C'est notre approche du festival. Eh ben, après cet hymne d'amour au festival, je crois qu'on ne peut pas utiliser d'autres termes, je vais vous proposer de rentrer dans le vif du sujet avec un film qui était particulièrement attendu, puisqu'il s'agit de Affairs of the Heart, traduit en français par « L'art dans le sang » de Joanna Quinn et Les Mills. Pardon. Donc le film fait suite à un certain nombre de films de Joanna Quinn, « Girls Night Out »,« Body Beautiful »,« Family Ties ». Et on y retrouve Beryl, l'héroïne de la classe ouvrière, qui nous révèle non seulement sa propre passion dévorante pour le dessin, mais également les penchants immodérés de sa famille excentrique pour les produits marinés, les filets de vis, l'empaillage des animaux de compagnie et diverses autres bricoles. Pour être parfaitement complète, je rajouterai que le film était présenté dans la compétition internationale, où il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur film d'animation. Alors Nicolas, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce L'art dans le sang ? Alors c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai trouvé vraiment très très drôle, et on retrouve vraiment un petit peu l'univers de Joanna Quinn qui nous avait quand même pas mal manqué, parce que son dernier film, en tout cas le dernier film que j'avais pu voir d'elle, date quand même de 2006, ça faisait quasiment 14 ans, 15 ans qu'on n'en avait plus vraiment entendu parler, malheureusement, même si elle a peut-être probablement pu faire quelques petites choses. Je crois qu'elle avait fait une exposition aussi il y a même temps, quand même déjà une dizaine d'années, mais elle manquait un petit peu au milieu du cinéma d'animation. Et là, elle revient avec un film qu'elle produit d'une certaine façon, je crois, avec son propre studio, et donc avec Les Smiths qui s'occupe aussi de la production, mais en plus avec la participation de l'ONF qui est aussi toujours sur les bons projets. Et effectivement, là, on retrouve un petit peu vraiment l'esprit de Joanna Quinn, c'est-à-dire un humour débordant, des personnages tout en chair, justement, avec des corps très particuliers, mais qui sont toujours extrêmement dynamiques, extrêmement virevoltants. Et c'est assez drôle parce que finalement, le poids des corps, en fait, on le ressent à peine parce qu'ils sont légers, ils sont dansants. Et là, en plus, on a tout un hymne à l'art et au dessin, tout en faisant elle-même du dessin et en dessinant vraiment son film. Alors évidemment, il y a quand même quelques petits changements par rapport à d'habitude. Là, on a l'impression qu'elle a quand même légèrement découvert les outils numériques, même si elle les a pas non plus trop utilisés. Mais par exemple, avant, elle ne faisait que du dessin classique sur cellulo. Maintenant, je pense qu'elle a elle a commencé à pouvoir au moins scanner un peu les dessins pour apposer des couleurs et des choses comme ça. Et on sent toujours sa patte, on sent toujours son trait. Et en fait, il y a une espèce de matière supplémentaire, j'ai l'impression, qui surgit un petit peu dans son film et qui est assez intéressante. En plus, elle se moque un petit peu très gentiment de pas mal de choses, notamment de l'art contemporain où elle se joue à faire son Yves Klein en se peinturlurant en bleu, en se posant sur une espèce de feuille géante. Elle utilise son mari qui devient son modèle, mais c'est toujours très très drôle. Et il y a vraiment toujours cette espèce de en quelque sorte un petit peu de critique sociale à travers une famille complètement désaxée, une famille complètement obsessionnelle, entre justement elle qui est vraiment issue d'un milieu très typique où elle a dû se marier, elle n'a pas pu faire ses études, elle est tombée vite enceinte et puis elle n'a jamais vraiment réussi à faire ce qu'elle voulait faire, par rapport à sa sœur qui elle est complètement exubérante, complètement délirante, et qui elle aussi est complètement obsessive et obsédée, et qui est obsédée par la mort, justement. C'est ça qui est assez amusant, c'est-à-dire que autant sa sœur a une belle vie tout en étant obsédée par la mort et par l'idée de rembourrer des animaux en faisant de la taxidermie et d'essayer de faire des choses complètement loufoques, et elle par contre, elle est obsédée d'une certaine façon aussi, je trouve, par la vie et par l'art qui est une manière de pour elle de vivre, et en même temps elle a une vie qui semble, qui pourrait être pas monotone, mais qui devient complètement exubérante et vraiment belle et qui est vraiment admirable, justement avec une forme de dynamisme largement supplémentaire par rapport à sa sœur, parce que justement elle a l'art dans sa vie et qu'elle a la possibilité de s'exercer même en amateur. Et ça, je trouve ça quand même très beau, et c'est une espèce de déclaration d'amour autant à l'art qu'au cinéma d'animation de la part de Joanna Quinn, et ça faisait beaucoup de bien de la retrouver après toutes ces années. Ah oui, j'aime beaucoup aussi, à la fois sur le fond et la forme. C'est, moi, j'avais oublié Joanna Quinn. En fait, je me souvenais d'avoir vu Girls Night Out il y a très longtemps. Et donc là, j'ai apprécié retrouver ce graphisme qui a nettement évolué depuis. Et j'aime beaucoup son graphisme avec ses traits assez ronds, qui pourraient être grotesques ou repoussants, mais qui finalement sont tellement humains. C'est vraiment très beau. Et il y a un côté dans les rondeurs, dans les corps, dans la représentation des corps, de la chair, quelque chose qu'on retrouve des fois chez Lina Wertmüller ou Fellini. Enfin, c'est très, très italien, ce truc très rond. J'aime bien cette exubérance, cette rondeur. La fluidité, il y a une belle fluidité dans les mouvements, alors que dans les mouvements des personnages, c'est très, comme tu disais, il y a un côté dansant, vivant. Et pourtant on est dans une sorte de huis clos, et pourtant on n'est jamais oppressé, on est toujours dans le mouvement, on est toujours dans l'énergie, et ces personnages ont un petit côté un peu bancal dans la manière dont ils se meuvent, dans la manière dont ils vivent, et pourtant c'est ouais, et il y a cette il y a pourtant toujours une énergie, quoi. Leur maladresse physique, elle encombre un peu l'image, ils ne savent pas trop bouger, comme ils ne savent pas trop vivre, et ça, c'est très bien capté. J'aime beaucoup l'image, l'humour qui se dégage de toutes ces, de tous ces mouvements, de toutes ces images, de toutes ces idées, et heureusement, Joanna Quinn a beaucoup de compassion pour eux, elle n'est jamais dans le jugement, elle ne se moque pas d'eux, elle arrive à déceler tout ce qu'il y a de drôle, de dérisoire dans leur vie, tout en respectant le rêve de créativité de Beryl, de comment il a été empêché tout au long de sa vie par la vie de famille, par la société. C'est le dessin, c'est pas bien, le dessin, c'est pas une vraie occupation, il faut avoir des métiers acceptables, riches, faire vivre la société avec des belles choses. Et ce que j'aime pourtant, c'est qu'elles n'idéalisent pas cette famille. Ils sont obsessionnels, ils sont très repliés sur eux-mêmes, ils ont leurs activités. Le cinéma de Joanna Quinn, enfin, un côté très universel, ça pourrait être des choses repoussantes. Et nous, on est avec elle parce qu'on est un peu elle, avec ce personnage, cette femme haut en couleur, qui a cette impression d'avoir raté sa vie, alors qu'autour d'elle, elle a l'exemple de réussite très artificielle, par exemple, de sa sœur. et beaucoup aussi d'exemples de d'échecs, enfin de choses qu'on pourrait qualifier d'échecs de son fils ou de son mari, alors que non, ils ont voilà, ils ont leur vie. Il y a ce regard très très empathique de Joanna Quinn sur sur ce qu'ils vivent et bon, le rapport entre la taxidermie et les périodes de jeunesse de la sœur ou de et plus tard la chirurgie esthétique, il y a ce même rapport morbide comme tu disais avec la mort et ouais, c'est vraiment un film assez passionnant qui dit beaucoup de choses sur cette impression d'être inutile en fait dans la vie, cette et de ne pas trouver sa place, d'avoir des aspirations, d'avoir des envies. Et ces questionnements, ça va vous montrer comme étant un peu vain. Il y a, elle veut être créative, elle ne sait pas trop comment. Et en même temps, c'est très universel. On se reconnaît tous là-dedans sur ces envies complexes, d'être à la fois quelque chose, de ne pas savoir comment le faire. Et Joanna Quinn, en fait, rend assez noble l'idée de chercher, quitte à se tromper, quitte à se jeter sur de la peinture pour faire quelque chose, peindre son mari qui monte et descend des escaliers. Enfin, c'est, ouais, tout ça est drôle, c'est vivant, c'est chaleureux. Oui, bah, je vous rejoins tous les deux. Hein. Je trouve que le film est évidemment plein d'autodérision et bourré d'humour, de clin d'œil. Il y a beaucoup de bienveillance pour les personnages en même temps, ce qui fait que ça fonctionne bien, l'équilibre est assez juste. Le fait que ce soit le personnage qui parle et qui raconte tout ça, ça rajoute un degré de dérision et en même temps de bienveillance et de sympathie, puisque sa manière de raconter, je trouve que la voix off est très bien écrite, la manière de raconter est vraiment assez savoureuse. Et puis, bien sûr, c'est un film que moi, je trouve très féministe parce que voilà, ça nous raconte un destin de femme comme il y en a beaucoup. Elle aurait rêvé d'être artiste, elle se retrouve ouvrière parce que la vie, quoi, les enfants, le mariage, les conventions. Et en même temps, ce n'est pas un drame, ce n'est pas lourd à porter. Et cette femme, elle a sa revanche. Beryl, elle a sa revanche. Elle fait quand même faire des trucs totalement invraisemblables à son mari qui se plie avec bonne grâce à tous ses caprices artistiques. Et voilà, les personnages secondaires, le fils, la sœur, ça vient rajouter un peu de piment dans tout ça. Et oui, je trouve que c'est un film très chouette qu'on va sûrement revoir. Là, c'était une des premières fois qu'il était montré en festival et je pense qu'il va pas mal tourner, on le verra peut-être à Annecy, si Annecy a lieu cette année. Voilà, est-ce que nous enchaînons avec un autre film ou est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur Affairs of the Heart ? Alors on y va, dans la compétition nationale, on avait repéré Trona Pineapples de Mathilde Parquet. Donc Gabrielle, une jeune fille de 19 ans, se retrouve coincée près de la vallée de la mort entre ses deux parents qui ne s'adressent plus la parole. Tous trois, se sentant pris au piège, essayent de fuir la tension ambiante dans un décor immense qui leur paraît immuable. Le film est donc réalisé par Mathilde Parquet, qui est une diplômée de l'EMK et de la Poudrière et qui avait été sélectionnée à Annecy avec son film de fin d'études, Petit Homme, en 2016. Pascal, qu'est-ce que tu peux nous dire pour du film ? J'aime beaucoup aussi celui-là. Il y a ce cadre déjà de la vallée de la mort, de la manière dont il est mis en scène, comment tout est écrit pour créer une ambiance de film de thriller, voire de film d'horreur. Et pourtant, Mathilde Parquet ne va pas du tout dans le cinéma de genre, mais elle crée ce climat qui laisse cette porte ouverte et on est dans une sorte d'entre-deux. Et cet entre-deux permet d'évoquer le sujet de famille dysfonctionnelle de façon non convenue. On n'est pas dans le cinéma genre pur où ce type de cliché familial peut être vraiment rebattu et terriblement ennuyeux, ou non plus dans un cinéma réaliste sur une famille dysfonctionnelle. C'est une mise en scène qui favorise des silences en fait et l'incommunicabilité, comment évoquer une relation familiale vide, enfin qui refuse la confrontation parce qu'on ne sait pas comment s'exprimer, on ne sait pas comment dire les choses, et donc il y a cette atmosphère, ce climat qui crée cet climat d'étrangeté qui crée du mystère. Et du coup, le discours n'est pas trop appuyé sur le problème d'une famille qui ne, de proches qui ne savent plus comment communiquer, qui évite la dispute frontale, qui s'évite plutôt qu'ils ne s'affrontent. Et donc, ce cadre géographique, cette atmosphère inquiétante, crée un ressenti de mystère et on reste proche des états d'âme des personnages sans que ce soit appuyé. Ça, c'est une délicatesse que j'aime bien. Il y a aussi déjà eu des effets de mise en scène, comme dans l'utilisation du cadre, quand le mari perd les pédales dans la chambre d'hôtel où il est resté seul, alors que la mère et la fille partent voir des cailloux, comme il dit. Et donc il y a cet échange entre le mari et la réceptionniste qui est d'une vraie délicatesse, et surtout ce moment en parallèle entre la mère et la fille qui se regardent et s'évitent dans la voiture où elles sont toutes les deux, qui finissent par se parler, à se dire des choses, mais sans vraiment que ce soit dit à l'écran. Mais c'est plutôt la manière dont les choses se disent entre elles. C'est de manière silencieuse, sans dialogue, sans se appuyer. Et elles se retrouvent. Les personnages, en fait, arrivent à se retrouver dans le silence. Apprennent à retrouver les sentiments qui peut-être les avaient animés quelques années plus tôt. À la fin du film, la porte est ouverte pour la communication, sans que tout soit dit. Rien n'est appuyé, c'est d'une vraie délicatesse dans les échanges entre les personnages. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Nicolas, je te voyais réagir. Non, moi j'avoue que c'est pas à l'origine ce type de film, on va dire très intimiste, relation parent-enfant, etc., etc. C'est pas le type de film qui me parle le plus souvent. Là, on est vraiment dans une fiction animée de qui est vraiment très classique. Mais je trouve que justement, la manière dont elle le traite est quand même assez intelligente et rend le film vraiment intéressant. Notamment, justement, par cette espèce de volonté déjà d'abstraire un petit peu tout un paysage, de faire se dérouler le film dans un univers qui est un petit peu hors de tout, hors de l'espace, hors du temps, où en fait on est dans un simple paysage presque, je dirais pas monochrome, bichrome quasiment, et surtout dans une espèce de motel qui est situé absolument nulle part, dans un univers où on voit une route. À un moment on n'en voit pas non plus au début du film, on a l'impression qu'ils sont perdus complètement dans le désert et qu'ils se retrouvent dans un endroit qui est complètement hors du temps et hors de tout. Et ça, je trouve ça justement assez intéressant, parce que finalement on va au-delà de la vie quotidienne, c'est-à-dire que c'est quotidien, et en l'abstrayant un petit peu d'un contexte, essayant de voir véritablement entre deux individus à travers le regard d'une troisième. C'est Pascal un peu sur le non-dit, sur des silences entre les deux, où en fait ils se disputent, mais on voit pas trop la dispute. Elle est un petit peu hors champ, derrière des rideaux ou autre. On sent une tension qui est quand même assez palpable. Et elle arrive aussi à jouer, et c'est ça qui est assez intéressant justement sur l'incommunicabilité, qu'on voit justement poindre notamment à travers ce quatrième personnage qui arrive, qui est la personne qui gère le motel, qui ne parle qu'anglais, alors que les autres le parlent à peine, et la mère se retourne vers la fille pour qu'elle puisse dire trois mots et baragouiner trois mots à peine compréhensibles, à mon avis, pour l'autre. Et on a déjà là aussi toute cette incommunicabilité qui arrive ici, c'est-à-dire que les personnages sont comme en terre étrangère, en fait. C'est-à-dire que les deux personnages sont un petit peu dans leur relation. Enfin, le couple est dans la relation un petit peu comme ils seraient en terre étrangère, en pays inconnu. Comme si, en fait, ils ne pouvaient plus communiquer, ils savaient pas comment parler, et en fait, ils avaient une seule solution, c'était la séparation. Et la séparation, elle est effective ici. C'est-à-dire que la mère part à un moment avec la fille, le père reste tout seul et les choses explosent, éclatent. Et en même temps, on sent qu'ils sont liés parce que quand l'un fait un geste, ça arrive sur les autres qui sont pourtant à milieu de là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que elle, au lieu de nous faire passer, et c'est à mon avis toute l'intelligence du film, au lieu de nous faire passer dans un univers qui est complètement paranormal, surnaturel, etc., elle joue sur une ambiguïté entre les deux et elle joue sur ça relativement bien parce que aussi ça passe par quelques éléments particuliers et non pas par un changement brutal d'univers. On est toujours dans cet univers abstrait, dans cette espèce de non-lieu, et en fait dans ce non-lieu il y a des choses qui communiquent et ça passe aussi justement par de la mise en scène. Et aussi, elle arrive à reprendre et à jouer avec des clichés typiquement américains quasiment, et qu'elle rend quasiment onirique avec ce train qui arrive, un train énorme, monstrueux, qui porte une cinquantaine de wagons, qui s'arrête à un moment brusquement, et avec ce cheval qui rappelle aussi, à mon avis, enfin, je sais pas si c'est une référence ou pas, mais moi, ça m'a fait penser au cheval qu'on voit dans Le hérisson dans le brouillard de Nordstein, qui arrive à un moment quand le petit hérisson est perdu complètement dans la forêt, et il y a cette tête de cheval qui arrive depuis le brouillard, et là on a cette même apparition de ce même type de cheval dans une espèce de brouillard, sauf que là c'est le cheval du cow-boy américain typique et traditionnel. Et en fait, en reprenant tout ça de manière assez légère, elle arrive quand même à faire sortir un petit peu des schémas habituels, ce type d'histoire qui reste relativement classique et banal à l'origine. Et je pense que c'est toute l'intelligence du film, c'est d'essayer de faire sortir un petit peu des sentiers battus, ce type de récit. Voilà. Oui, c'est un film qui est touchant, qui est très sensible. Moi, j'ai été vachement frappée par certains jeux de physionomie des personnages. Il y a la mère qui a ce sourire plaqué pendant toute une partie du film, et elle est effrayante en fait. Elle est terrifiante avec son sourire comme ça qui est pas du tout naturel, et c'est un flash. Je trouve que cette image là nous donne vraiment à voir ce personnage. On sent que ce personnage est complètement Elle est complètement perdue. Et en miroir, il y a la fille qui, à un moment, se tourne vers la vitre. Et donc, elle se tourne vers le spectateur. Et pareil, elle fait vraiment une tête. Comme si elle voulait crier, mais une sorte de cri silencieux comme ça, parce que vraiment, elle n'en peut plus. Et voilà, je trouve que cette manière d'extérioriser les sentiments des personnages, ça passe par des petites choses, parce que ça dure 3 secondes, mais c'est vraiment très fort. Après, vous avez dit... Oui, pardon, Nicolas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que la fille fait vraiment la jonction entre ses deux parents. C'est-à-dire que c'est elle qui va vers la mère et la mère la prend dans ses bras. Et à la fin, c'est le père qui reste autour d'elle, etc. Et il y a que quelques mots qui sont prononcés. Tout passe justement, comme tu disais, par des expressions et par cette fille qui doit faire la jonction entre les deux. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui se passera après. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut arriver, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Bah le dénouement entre guillemets est très ténu, c'est complètement en suspension, et effectivement on peut se dire que c'est un moment peut-être d'apaisement avant soit le retour de la tempête, soit une séparation nette et franche. Enfin voilà, effectivement le film reste très énigmatique. C'est juste, en fait, ce qui est beau, c'est ce moment de tension et ce moment d'apaisement, et après cette ouverture, effectivement. Et ce personnage de fille qui est coincée entre ses deux parents, ça sent le vécu. C'est très bien observé aussi, comme il est impossible de prendre parti entre les deux, et comme ça crée une ambiance absolument insupportable et absolument invivable. Et voilà, et vous l'avez dit un peu, mais c'est vrai que le décor, le paysage dans lequel ça se passe, et tout le jeu, l'ouverture du film, comme ça, on est comme entre deux parois rocheuses, on avance vers la lumière, et il y a cette musique. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que la réalisatrice donne un souffle presque épique à ce récit familial hyper ténu. Enfin, il y a quelque chose de très fort, il y a aussi quelque chose de très ambitieux dans la recherche esthétique, parce que, comme tu le dis, Nicolas, c'est vrai que ça pourrait être juste une histoire de famille dysfonctionnelle, et on pourrait imaginer ça se passant dans un endroit un peu sordide, dans un camping un peu paumé au milieu de nulle part. Et là, le fait de l'avoir mis dans un endroit qui est aussi majestueux, aussi fort, je trouve que c'est très beau. Il y a la symbolique du désert. Le désert, c'est la, c'est la promesse d'évasion parce qu'il n'y a pas de frontières, on peut s'en aller, on peut aller très loin et en même temps on est complètement enfermé dedans parce que forcément il n'y a rien. Donc voilà, j'aimais bien aussi cette image du désert. Oui, puis il y a ce contraste, oui, entre les lieux fermés, le père est enfermé dans la chambre, la mère et la fille sont enfermées dans la voiture, et c'est à ce moment-là que chacun se libère un peu de son côté avant de trouver le moyen d'avoir accès à l'autre. Quoi. Ça, c'est... Et oui, j'aimais aussi cette ampleur qui est mise en place dès le début et qui est maintenue ensuite. Ça aurait pu retomber avec l'échange très, très strictement intime et... Je trouve ça très riche. Je ne t'entends plus, Marie-Pierre. Autre film, Section Nationale, dont je vous propose de parler, là, si vous n'avez rien à ajouter sur Trana Pineacles. J'avais envie de parler là, de Horatio de Caroline Chérier, à qui l'on doit notamment Fusée Signal dans la collection En sortant de l'école, qui était consacrée à Guillaume Apollinaire. Donc, le pitch, je vous le résume, Guillaume tue Horatio parce qu'il criait trop fort. Un fait divers tragicomique, comme on en lit parfois dans les journaux. Durant son procès, la pauvreté du mobile déconcerte. Maintenu en prison une dizaine d'années, Guillaume y oublie peu à peu cette histoire de type qui crie trop fort, qui ne convainc personne. Mais quand il sort, quelqu'un hurle à nouveau. Alors moi, j'avais envie de dire au préambule que ce film est l'exemple typique du fait qu'il faut revoir les films. Parce que je l'avais vu il y a quelques temps, je ne sais plus dans quel contexte, j'ai un peu oublié. Et j'avoue que j'étais complètement passée à côté de ce film qui m'avait semblé un peu anecdotique. Et en le revoyant, je l'ai redécouvert. En fait, je l'ai trouvé très drôle, déjà, ce qui m'avait un peu échappé aux premières fois, comme quoi des fois on est fatigué. Et voilà, en fait, c'est un film qui, je trouvais là aussi, la voix off était assez bien écrite, en fait, dans la manière dont parle ce personnage, dans ce qu'il dit, dans cette espèce de nonchalance. Alors qu'on parle quand même de quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Voilà, il y avait un truc... ouais, j'ai une sorte de banalité, en fait. Le film montre ce qu'on voit au cinéma, c'est souvent transcendé, en fait. Les histoires de meurtre, les histoires de passion, les histoires de prison. Il se passe, quand on voit des films en prison, c'est parce qu'il s'y passe des choses un peu extraordinaires, etc. Et en fait, là, je trouve que le film joue avec ça en montrant une banalité absolue, puisqu'on a ce personnage qui se met à jouer de la guitare. Il y a une journaliste qui vient le voir et on va se dire, ah ben tiens, peut-être que... Mais non, en fait, il joue super mal de la guitare et tout le monde s'en fout qu'il joue de la guitare en prison. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de clins d'œil comme ça. Et du coup, je trouve ça assez drôle. Qu'en avez-vous pensé ? J'étais un peu comme toi, je l'avais vu pour les prévues du syndicat, du coup, et c'est, enfin, la première fois que j'ai vu, du coup, c'était pareil, c'était ouais, bof, quoi. Bon, ok, je le regarde. Pas inintéressant, mais la dimension humoristique ouais, m'avait un peu échappé. Mais c'est... Et en fait, elle trouve. Caroline Chérier. Trouve-t-on assez juste dans ce qui est dit. C'est assez minimaliste, ça dure moins de 10 minutes. Et beaucoup de choses sont dites, l'air de rien. Et j'aime bien ce côté, comme tu disais, la captation de la banalité du mal. Quoi. C'est comment on en vient à tuer pour rien. Et la scène est violente, elle est terrifiante. Et ensuite, on est à la fois... La fin est attendue, on sent très vite où ça va aller, enfin, qu'il y a un peu de ça. Et en même temps, c'est le trajet pour y arriver est souvent surprenant. Et il y a un côté film d'horreur enfin, qui est bien capté dans la psychologie du personnage. Il pourrait virer slasher ou giallo. Enfin, et en même temps, il y a cette dimension insupportable de la mère qui parle, qui parle, qui parle. Et c'est drôle, beaucoup de films de Clermont, dans ce que j'ai vu, jouent autour de la prise de parole, le silence, l'incommunicabilité, des personnages qui ne savent pas s'écouter, qui refusent de s'écouter. Et ça joue très bien là-dessus. Et le mot du juge est terrifiant, c'est pathétique, oui. Le film a sa dimension pathétique parce que la situation est pathétique, les motivations sont pathétiques, et en même temps, c'est terrible comment on peut reconnaître des choses un peu inquiétantes. Il y a des choses que j'aime bien aussi, c'est comment elle capte la banalité des décors. Enfin, moi, cet arrière-cour, j'en vois plein dans les petites maisons de province. On voit comment ça peut rendre fou. Et, donc, C'est Caroline Chéry a capté Caroline Chéry arrive à capter à la fois le côté sinistre, minable de tout ça et de montrer un peu de dérision et puis voilà, là, j'aime bien qu'il y ait un psychopathe qui essaye de chanter une chanson de Calogero. Moi, je comprends qu'on soit à la fois psychopathe et qu'on ait envie de chanter du Calogero. Je trouve que ça se marie bien. Ça va très bien ensemble, là, je te confirme. Nicolas. Alors. Nicolas a la parole coupée par le film. Je ne sais pas si c'est parce que tellement il l'a aimé ou parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, mais en tout cas, on ne l'entend plus. Le alors n'était pas prometteur de compliments. Mais... Ben, moi, c'est un peu comme vous. Mon film sont un peu à l'image de l'impression que j'ai du film, c'est-à-dire de quelque chose de profondément banal. Et en fait, c'est peut-être un acte tragique, mais en fait, rendu banal, et je vois pas le tragique. Et il y a peut-être un côté dérision et comique, mais en fait, je vois pas la dérision et le comique, je vois juste la banalité, et en fait, je m'ennuie un peu. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire particulièrement du film, en dehors de l'indifférence totale dans laquelle il me met, voilà, simplement. Alors, est-ce que tu as essayé de le revoir ? Oui. Ah, donc l'effet deuxième vision n'a pas marché sur toi. Pas écoute, particulièrement. En même temps, c'est intéressant, parce que sinon, les auditeurs vont croire qu'on fait exprès de parler que de films qu'on aime tous, et pour dire que des choses bien, et c'est un petit peu l'école des fans, donc c'est intéressant ouais. D'avoir aussi un point de vue différent. C'est d'autant plus dommage que, justement, Fusée Signal, le film de En sortant de l'école, je trouvais, lui, particulièrement réussi et vraiment très, très joli. Mais là, vraiment, le côté ouais, ultra simple et le côté fait divers, en fait, j'ai pas l'impression que, ici, l'animation ou la réalisation est transcendée, quoi que ce soit. J'ai juste eu l'impression de voir une espèce de fait divers banal et c'est tout, en fait. Eh bien, ça marche. On vous laissera vous faire votre idée, puisqu'il se trouve que le film est en ce moment disponible sur le site d'Arte. Donc voilà, Horatio de Caroline Chérier. On vous invite à aller voir et voilà, vous pouvez nous écrire après pour nous dire ce que vous en avez pensé. On va maintenant passer à la section labo sur laquelle on va peut-être s'attarder un petit peu plus longtemps, puisque la section labo fêtait cette année ses 20 ans et traditionnellement c'est celle où on voit des films plutôt expérimentaux. En tout cas, c'était un peu l'idée au départ, des films qui soient exigeants, des films qui soient plus audacieux, enfin en tout cas des films qui sont peut-être tout simplement moins narratifs que ce qu'on voit dans les compétitions nationales et internationales. Pour information, comme ça, on y trouvait cette année, en plus des films dont on va parler, Caché de Daniel Gray, Orgiastic, Hyperplastique de Paul Bush et Baalbek d'Ismaël Geoffroy Chandoutis. On y retrouvait aussi en animation Just a Guy de Choco Hara, qui était le Grand Prix de Zagreb, Homeless Home d'Alberto Vasquez, qui lui était prix du jury à Annecy, ou encore le film Normal de Julie Cathy. Donc moi, j'avais envie de vous demander un peu en préambule si vous pensez que la section labo occupe toujours cette fonction là, de section où on verra des films qui sortiraient, voilà, qui sortiraient vraiment de, qui seraient singuliers. En fait, on a toujours un peu de mal à la définir, cette section. Voilà, est-ce qu'on va vers du cinéma vraiment expérimental ou est-ce qu'on va vers du cinéma qui est peut-être effectivement peu narratif? Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai assez peu de recul sur les diverses années de Clermont. Je n'ai pas toutes les sections en tête, et surtout, non seulement la section labo elle-même, mais comment elle se compare avec les sections nationales et internationales. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont dans la catégorie labo qui pourraient être en sélection et inversement. Donc, je trouve de plus en plus artificiel ce type de différenciation. Après, ça permet peut-être à des films qui n'auraient pas été pris de trouver leur place. Mais. Je suis mitigé parce qu'on trouve des pépites dans toutes les sections. Je pense que c'est peut-être une section qui se justifiait plus il y a quelques années où peut-être il était plus difficile de faire accepter ce type de cinéma. Mais il y a certains films que j'aurais très vu très largement, facilement, en compétition tout court. Enfin, en compétition classique, traditionnelle. Pas dans le sens où les films sont classiques, mais... Où ils auraient été mieux. Enfin, j'aurais préféré plus de perméabilité. Donc, je sais pas si c'est pertinent d'avoir une section à part, labo. Mais je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. Nicolas. Alors moi, justement, par rapport à ça, je me pose quand même une certaine question. C'est-à-dire que effectivement, je pense que dans le labo, et ça dépend des années. Hein, mais par exemple, cette année, on trouve plus de films soi-disant expérimental ou en tout cas qui ont une narration un petit peu différente ou une narration un petit peu qui n'est pas complètement du même type que les autres, on va dire, globalement, ou alors avec quelque chose qui serait peut-être de plus traditionnel quand même, mais avec une forme qui serait peut-être un peu moins traditionnelle. Mais en fait, quand je vois la section labo comme ça et quand on voit certains des films qui sont dans cette section et qui sont, comme Pascal le disait, en fait, on les verrait en compétition nationale, internationale, on ne verrait pas grand-chose. Je me demande si ce qui est plus gênant dans le fait d'avoir labo, c'est pas le fait de mettre ces films-là à part, c'est plutôt d'avoir l'impression que la compétition labo renouvelle quelque chose et que finalement les films de la compétition nationale et internationale sont du cinéma qui ne se renouvelle pas. C'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que est-ce que finalement quand on a une compétition labo, on ne dit pas aux films de la nationale et de l'internationale, vous faites des choses qui sont d'une banalité totale. Et ça, c'est peut-être un petit peu plus triste justement pour le film de la compétition nationale et de la compétition internationale. Parce que le labo, finalement, ce sont juste des films qui cherchent à faire un petit peu d'autre chose de la manière dont c'est présenté ici, puisqu'on n'est très clairement pas dans du cinéma qui est vraiment, vraiment expérimental et qui serait complètement dis-narratif ou complètement hors des narrations classiques. C'est juste un cinéma qui est très légèrement plus poétique ou très légèrement différent de la manière dont c'est proposé. Donc voilà, moi je me demande, je ne sais pas si... Je pense que la compétition labo, tout dépend des années. Il y a des années où elle est très bonne, des années où elle est quand même un petit peu moins bonne. Mais en tout cas, je pense que je vivrais plus mal d'une certaine façon d'être en national ou en international cette année qu'être en labo, parce que j'aurais l'impression que si j'étais en national, on me dirait « Oh, bah, vous avez fait un film d'une banalité totale ». Oui, alors... Vu la sélection, en tout cas. Je suis d'autant plus d'accord qu'on retrouve, comme je le disais, des films qui étaient dans des compétitions... je ne sais pas comment appeler, en tout cas compétition normale, entre guillemets, mais pas du tout dans des sections à part, dans des grands festivals. J'ai trouvé assez amusant quand même qu'il y ait en labo cette année un film qui était sélectionné à l'officiel à Cannes. L'officiel, la sélection court-métrage de l'officiel à Cannes n'est pas réputée pour montrer des films particulièrement expérimentaux. Et c'était assez étonnant. Le film est d'ailleurs assez intéressant. Enfin, ça fait partie des films que je trouve plutôt intéressants, qui s'appelle Son of Sodom, mais qui, effectivement, on est très, très loin d'une idée expérimentale comme ça pouvait l'être à l'origine du labo. Et voilà, et je me suis fait effectivement la réflexion pour beaucoup de films. Il n'y a pas tellement de films abstraits, il n'y a pas tellement de films qui vont aller expérimenter avec le médium, qui vont aller jouer... avec la pellicule. J'ai pas vu de film où on avait enterré la pellicule dans la terre pendant 3 mois pour voir ensuite ce que ça donnait. Enfin bon, peut-être que là, j'avais une vision un peu radicale. Mais oui, je trouve que le labo, en tout cas, c'est un peu la section sur laquelle on se jette quand on est amateur de cinéma et expérimental. Et là, cette année, il y avait quand même quelques déceptions. La section n'était pas forcément très forte. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, je ne sais pas si les gens qui se retrouvent en compétition nationale ou internationale, on leur dit qu'ils font des choses banales, mais en tout cas, il y a une forme de classicisme, de narration assez traditionnelle. Et il a pu arriver qu'on ait l'impression, effectivement, de voir le même film qui se déclinait sur des sujets différents et des géographies différentes, notamment dans la compétition internationale, où on a parfois un peu l'impression de voir qu'il n'existe qu'un seul type de cinéma. En fait, c'est ce que je trouve un peu triste. Et c'est d'autant plus triste que dès qu'on regarde du côté de nos voisins étrangers, quand on regarde dans les grands festivals de courts-métrages à l'étranger, sur un festival comme Winterthur ou Oberhausen, ou en tout cas, il y a pas mal d'exemples, on voit que ces films-là sont absolument tous mélangés entre narration traditionnelle et entre, je sais pas, films d'archives, entre films abstraits, etc. Non seulement tout est mélangé, il n'y a pas de section à part, mais en plus, ce sont souvent... ces films représentent souvent la majorité de ce qu'on voit. On voit énormément de cinéma, beaucoup plus de recherche. C'est pas forcément du cinéma expérimental au sens vraiment premier du terme, mais en tout cas des essais ou des choses qui sont recherchées. Donc c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, en fait, cette ligne choisie par Clermont-Ferrand de manière générale. Alors on va pas trouver la réponse maintenant. Il faudrait faire une émission. On invite les sélectionneurs de Clermont-Ferrand. Mais peut-être c'est pas complètement une coïncidence si Clermont-Ferrand est un immense festival public, puisque c'est le seul endroit où moi j'ai vu des files d'attente aussi longues de gens qui attendent pour aller voir du court-métrage et qui se battent presque pour aller voir du court-métrage. Et donc peut-être que voilà, il y a aussi l'idée de montrer au public certes ce qui existe, mais de pas non plus le braquer en lui montrant mélangé au reste des films qui voilà qui seraient un peu trop surprenant ou choquant. Vous savez, il y a cette idée là maintenant qu'il faut tout le temps prévenir les gens avant de leur montrer un film, que peut-être ils vont être choqués, que peut-être ils vont être surpris, que peut-être je ne sais pas quoi. Voilà, je ne sais pas en fait s'il y a cette idée là, mais c'est un peu l'impression que ça peut donner. Ouais, alors que ça me paraît plus riche en effet d'avoir quelque chose qui détonne dans une sélection classique, entre guillemets classique, et de mêler différents types de cinéma, de narration. Une narration classique peut être passionnante, une narration moins classique. N'atténuera pas ses qualités, mais favorise un contraste et montrer qu'il y a plusieurs types de cinéma et pas juste sujet vers complément, qu'il y ait des formes différentes. Et plutôt qu'une narration labo, le labo devrait être inclus dans le reste et pas donner l'impression d'être une sorte de fourre-tout de choses qu'on n'a pas pu classer ailleurs. En fait. Contre Champ M6, c'est un peu la même chose. Hein, c'est... Et comme tu dis, par rapport à l'affluence de Clermont, il y a un côté oui, de vouloir rassurer le public. Et c'est peut-être dommage, oui. C'est dommage d'avoir ce distinguo, en fait. Mais ce que tu disais aussi, Marie. Nous avons reperdu Nicolas. Pauline, d'aller vers des films qui sont peut-être aussi un petit peu particulièrement compliqué. C'est aussi le cas quand on voit un peu le palmarès, parce que finalement, même dans la compétition labo, ce qui a été récompensé cette année, c'est Gramercy de Pat Haywood et Jamil McGuinness, qui est un film qui est très joli, poétique, etc., mais qui est très clairement pas le plus expérimental. Je dirais même que c'est peut-être le plus classique de toute la compétition labo, pratiquement. Enfin, ou en tout cas, l'un des plus classiques de la compétition labo. Ce qui fait que même le palmarès va dans le sens de l'idée d'un festival qui n'est pas non plus habitué aux films beaucoup plus expérimentaux, on va dire. Oui, effectivement, il reste peut-être encore un petit chemin à parcourir et peut-être un petit travail de pédagogie à effectuer. Et en même temps, il me semble que toute initiative dans ce sens est bonne à saluer. Donc c'est vrai que là, cette année, on est un petit peu dur sur le labo parce que je l'ai trouvé particulièrement faible. Mais ce n'était pas forcément le cas l'année dernière, par exemple, où il y avait pour le coup plus de choses expérimentales au sens fort du terme, avec effectivement peut-être des gens qui sortaient de la salle. L'année dernière, j'avais la chance d'être sur place. Il y avait des propositions fortes qui permettaient aussi à chacun de se faire son idée et qui, encore une fois, permettaient de montrer ce genre de film du grand public qui n'a pas forcément l'habitude et qui ne serait pas venu, qui ne le regarderait pas si ce n'était pas à Clermont-Ferrand, avec un peu cette aura qu'a le festival. Mais en même temps, ça serait peut-être plus intéressant aussi de mettre les films de la section labo dans la compétition nationale ou internationale, par exemple. Ça pourrait peut-être montrer à un moment un autre type de film qui détonne peut-être un petit peu parmi le reste de la compétition, ce qui peut aussi être intéressant. Complètement d'accord là-dessus. Je vous propose donc d'enchaîner avec ces trois films du labo dont on avait décidé de parler. Donc, le premier, c'était Caché de Daniel Gray. Le réalisateur avait déjà été sélectionné au labo en 2016 avec un film qui s'appelait Tits, qui était co-réalisé avec Tom Vroom. Et donc, l'argument de Caché, ce sont deux frères qui jouent gaiement à cache-cache. L'un compte et l'autre, bien déterminé à gagner, s'empresse de se cacher dans une petite armoire. Les secondes passent, puis les minutes, les années et même les décennies. Alors Nicolas, vas-y, parle-nous un petit peu de ce film dont je crois qu'il est produit ou coproduit par l'ONF. C'est ça aussi, donc celui-là aussi. Et là, pareil, c'est aussi un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié et d'autant plus que autant son précédentisme était un petit peu laissé, j'étais là aussi passé à côté. Il y avait des choses intéressantes, mais il était plombé dans mon souvenir par une espèce de voix off un peu pénible. Ici, c'est absolument pas le cas, et le réalisateur joue justement sur l'effet inverse, où il y a très très très peu de dialogue, très très peu de choses qui sont prononcées, qui sont dites, et on est vraiment davantage sur justement le non-dit. Et on a cet enfant qui se cache, et on a quelque chose qui est très très étrange, c'est-à-dire que effectivement le cinéaste va s'amuser justement là avec peut-être les potentialités et la facilité qu'a l'animation de créer des mondes un petit peu différents et un petit peu similaires, on va dire, aux nôtres, dans lesquels on peut se retrouver, pour épouser le point de vue d'un enfant qui se cache dans un placard et qu'on ne va jamais véritablement retrouver. Et en fait, personne n'ouvre le placard, et lui, de ce côté du placard, il voit son frère en train de grandir, il voit sa famille qui évolue. Et en fait, ce qui était intéressant avec Tiss, c'est que justement... J'ai peur que nous ayons encore perdu Nicolas. Excusez-nous pour tous ces problèmes techniques, les conditions. Dans les dents, sur la bouche, on avait trop regard sur rien véritablement de sa vie. Il y a le temps qui s'étire, le temps qui est long, on voit quel... On t'a perdu Nicolas. Enfin. J'ai pas entendu. Tu peux redémarrer. Alors Nicolas, nous avons un petit souci, c'est que par moment on t'entend plus et après on t'entend de manière totalement précipitée. Je pense qu'il y a un petit problème de lag sur le réseau. Ah ouais. Il y a un petit problème de connexion. Je peux essayer de résoudre ça. Au pire, enchaîne avec Pascal, on coupera sur montage. Alors, à toi. J'aime bien j'aime beaucoup la simplicité du film. Enfin, ce que disait Nicolas, c'est que il y a pas de voix off. On observe les choses de manière strictement visuelle, avec cet apport de l'animation qui permet de jouer avec de passage du temps, l'ellipse, et c'est assez fort sur et un peu angoissant sur à la fois sur le temps qui passe à une vitesse folle et on ne s'en rend pas forcément compte. Et tout à coup, voilà, c'est ce que tu dis dans le résumé, les minutes passent, les mois passent, les années passent, les décennies passent. Et tout à coup, la vie s'est achevée. Et il y a un côté un peu abyssal, comme ça, où entre le début et la fin, il y a quelque chose de terrifiant qui s'est passé. C'est qu'une vie s'est déroulée et on remonte le temps quelque chose de très marquant, c'est plus le spectateur qui est touché presque le personnage directement. Enfin, c'est nous qui sommes happés dans le temps. Et c'est d'une beauté assez simple. Je ne connaissais pas le travail de Daniel Gray, mais je trouve ça très beau esthétiquement aussi. Et j'aime beaucoup ces films qui jouent sur qui jouent de manière symbolique avec le temps. Comment le temps jouer avec les ellipses du passage du temps permet de raconter une vie sans éventuellement en dire trop. Là, c'est très mystérieux pendant une bonne partie du film, et après on comprend où va le réalisateur, et c'est d'une force et un côté implacable qui est déchirant, et ça dit aussi des choses fortes sur le deuil, sur l'éloignement des liens intimes. J'ai été touché, alors qu'au départ, je n'avais pas tout à fait à rentrer dedans. Il a fallu que je revoie le film, et la force du propos, ça m'est retrouvé encore grandi. Et j'aime ces films qu'on peut revoir aussi, qui t'apportent quelque chose en plus en les revoyant, et j'aime beaucoup la force de comment les liens évoqués sur le fond sont avec une vraie force, quoi. Il y a vraiment une belle idée au départ du film. En fait, j'aime vraiment beaucoup cette idée toute simple de ce jeu de cache-cache qui ne s'arrête pas, en fait. Donc, ce personnage qui reste enfermé dans son placard, au départ, on a l'impression que c'est un peu une blague, et puis plus ça va, et plus c'est effectivement déchirant. Et en même temps, il n'en sort pas du placard. Enfin, à tout moment, il pourrait sortir. Et évidemment, tout le jeu du film, c'est qu'il ne sort pas et qu'il attend qu'on le trouve. Et voilà, je trouve ça, il y a une étrangeté qui est hyper intéressante, même dans la mise en scène. Il y a énormément de plans sur le visage du personnage qui regarde les autres vivre et qui, lui, ne vit pas. Il les regarde vivre. Et il y a la lumière sur son visage, enfin, de cette petite ouverture dans le placard. Enfin, il regarde par le trou de la serrure, il regarde comme ça. Et voilà, il y a plein de plans qui sont intéressants, et c'est très étrange, et ça c'est un peu glaçant, en fait, de s'imaginer effectivement de voir les autres vivre pendant qu'on reste enfermé dans un placard. C'est assez métaphorique aussi, peut-être sur l'impression de, enfin, évidemment métaphorique sur l'impression de, voilà, de passer à côté de sa vie, d'être empêché dans sa vie, etc. Mais moi, j'avoue que j'étais un peu déçue par la fin. Je trouve que le retour à la normalité, un peu à la fin, j'ai trouvé ça, je trouvais ça gentiment rassurant et un peu simpliste, en fait, de dire ah, mais en fait non, évidemment, quelqu'un va venir le chercher dans son placard, et puis tout ça n'était qu'une projection. C'est un peu le bémol que je donnerais. J'ai l'impression que le film n'a pas osé aller jusqu'à quelque chose qui aurait été peut-être plus brutal de le faire mourir dans son placard. Ceci dit, on sent, moi, j'ai peut-être mal vu, mais j'ai ressenti quand même l'effroi de ce personnage qui a conscience d'avoir imaginé tout ça. Et du coup, est-ce qu'il en ressort de manière normale? On n'est pas tout à fait sûr. J'ai peut-être mal interprété, mais j'ai eu ce ressenti-là. Ça a eu un effet sur sa psychologie, comme s'il prenait conscience de la mort, ou plus prosaïquement de son invisibilité, quoi, du fait qu'il peut être oublié, qu'il peut être. Mais oui. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur la prise de conscience. Voilà, le personnage a fait ce voyage, effectivement, mais j'avoue que j'étais un peu déçue que le film revienne sur les rails et en fait dise ah oui, d'accord, lui, justement, ça va le faire réfléchir et tout ça. Et du coup, il y avait un petit truc un peu utilitaire, finalement, qui m'a un petit peu voilà qui m'a un petit peu déçu. J'avoue que le film m'emballe moins à cause de ça. Ouais, non, peut-être plus, ouais, puis éviter le retour au passé et être dans le dans quelque chose de plus morbide encore. Ouais, c'est pas, ouais. Voilà, peut-être que voilà, il soit finalement à la fin tout le monde est mort et lui il est tout seul dans son placard et voilà. Parce que par ailleurs il y a des il y a des détails super intéressants sur les ongles. On voit les ongles qui poussent comme ça et il a des ongles de plus en plus longs dans son placard. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont assez glaçants et j'ai eu l'impression que le réalisateur voulait un peu rassurer le spectateur à la fin en disant ouais, mais c'était juste dans sa tête, tout va bien. Nous allons peut-être. J'attends de voir si Nicolas, on vous raconte tout ce qui se passe, mais si Nicolas qui a des petits soucis techniques est de retour avec nous. Normalement, ça va. Nicolas est là, donc bon, tout va bien. Okay. Nicolas, est-ce que tu avais envie de rajouter un mot sur Cachet de Daniel Gray ? Alors, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas exactement ce que vous avez dit parce que je vous ai perdu pendant un moment. Mais bon, j'espère, sans faire répétition, pour revenir un petit peu sur le film que... ce qui m'intéresse aussi, c'est que le cinéaste, et il est un peu comme Nantes, justement, ici, joue aussi pas mal sur les codes du cinéma d'horreur et sur un certain type d'horreur qui n'est pas justement du cinéma d'horreur, on va dire, avec des effets... monstrueux, mais une espèce d'horreur sourde, psychologique, avec cette idée d'enfermement, cette idée que finalement des gens vont l'oublier, ne plus se souvenir de lui, et sachant qu'on est dans le point de vue de l'enfant, c'est quand même assez psychologiquement étrange et perturbant, avec lui qui est d'autant plus perturbé qu'il voit tout ce qui arrive, c'est-à-dire les étapes de la vie de son frère, de la vie de ses parents, entrebâillé un petit peu à la manière justement d'un regard un petit peu bizarre sur les choses. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que tout ça se passe à un moment très particulier, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette espèce d'action-là est déclenchée par un plan qui est un plan qui est très rapide, très bref, dans laquelle on voit l'enfant, le reflet de l'enfant sur une espèce de boule rouge, avec ce reflet qui devient complètement anamorphosé pendant quelques instants, juste avant qu'il entre dans le placard, comme s'il passait devant un miroir ou quelque chose comme ça, et que d'un coup, c'est l'univers complet à travers cette espèce d'élément qui changeait, qui se métamorphosait, et que les choses n'allaient absolument, que les choses étaient complètement modifiées. Et que plus rien finalement n'allait pouvoir fonctionner comme avant. Et c'est là finalement qu'il part dans cet autre monde, et c'est un monde qui est véritablement un monde de cauchemar. Et on est dans un cauchemar, mais qui ne s'annonce pas vraiment comme tel. C'est-à-dire qu'on va pas jusqu'au bout du monstrueux, et c'est ça qui est intéressant. Le réalisateur arrive justement à jouer sur cette frontière un petit peu glissante et un petit peu particulière entre justement le surnaturel et le réel. Et on reste toujours dans un environnement réaliste tout en ayant quelque chose qui est profondément perturbé jusqu'à la fin justement. Effectivement, je pense que c'est tout le l'intérêt du film, effectivement, ce jeu sur la frontière. Ce que je disais, Nicolas, je pense, pendant que tu étais parti, c'était que moi, j'étais un poil déçu par la fin, qui me semblait un peu grossièrement nous ramener dans une forme de réalité, nous éloigner du cauchemar. Peut-être c'est mon côté radical, j'avais envie qu'on nous laisse dans le cauchemar et qu'on laisse le personnage dans son placard jusqu'à la fin. Tandis que moi, justement, j'étais content de voir ça parce que finalement, je trouve que ça me plonge encore davantage dans un cauchemar d'avoir été à la place de cet enfant qui a finalement vu tout un monde s'ouvrir, c'est-à-dire tout un futur s'ouvrir et un futur qui est d'une banalité confondante là aussi et qui est monstrueux et horrifique dans la manière dont il est banal et qu'il revient d'une certaine façon à la vie avec une espèce de cri, comme s'il renaissait justement, et que finalement on a l'impression qu'il sait d'avance ce qu'il va devoir vivre et que c'est tellement pauvre que ça rend la chose assez horrifique aussi. Ah oui, c'est sûr que vu comme ça, ça donne pas extrêmement envie. On peut espérer que le personnage va du coup en profiter pour transcender un peu cette existence toute tracée. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer de passer au film suivant, qui était là encore un film assez attendu, puisque c'est Orgiastique Hyperplastique de Paul Bush. Paul Bush, on lui doit notamment The 5-Minute Museum, Elegy, Ride. Et il nous revient avec un film dont je vous livre le résumé, un festival animé de plastique collecté sur des plages, au bord des routes, dans des greniers et brocantes. Un hommage à une histoire d'amour qui a mal tourné, un tendre adieu à cette belle matière qui a asservi notre planète, le plastique. Nicolas, Pascal, qui a envie de commencer sur Paul Bush? J'aime beaucoup aussi. En fait, la sélection, de cette sélection, ça fait partie des films que j'aime vraiment plutôt bien. J'aime comment il fait ressentir assez fortement la surconsommation moderne et tous les effets dévastateurs de l'accumulation, du gaspillage, en mettant en scène une symphonie d'objets périmés traditionnels qu'on a tous utilisés, des jouets en plastique, des peignes, des briquets, des divers contenants, des bouteilles, des capuchons de stylos eux-mêmes, et qui vont polluer pendant des siècles et des siècles l'environnement. Et comment il les met en scène en glissant cette phrase « Please recycle me » dans son concept, que j'aime beaucoup cette idée d'utiliser les jouets, par exemple, qui scandent cette symphonie d'objets divers et qui commencent à se rebeller, à se lever. Et, donc, il y a à la fois dans son propos une idée basique d'adieu à l'enfance à travers les jouets. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui nous intime, tous ces personnages qu'on anime soi-même et qui, là, ont une dimension un peu terrifiante. Et c'est à la fois l'adieu à l'enfance personnelle, mais aussi de l'être humain en général. L'être humain a assez joué, a assez gaspillé, a assez joué avec la nature. Maintenant, il est temps de grandir. Alors, de manière prosaïque, c'est arrêter de prendre ses jouets, de jouer avec, mais aussi d'avoir conscience du cadre dans lequel on vit, en fait, de penser au futur en évitant d'utiliser des matières qui ne se recyclent pas ou de recycler celles qui peuvent l'être. Donc il y a un vrai propos politique, tout en étant frontal, avec cette ouverture qui est assez mystérieuse, avec ces éclats d'objets sur fond noir, avec ces personnages qui commencent à apparaître. Et les jouets sont utilisés comme de manière très effrayante, comme dans Toy Story, par exemple, les objets cassés... qui avait une dimension un peu angoissante comme ça, et ça, Paul Bush en sert de cette manière-là, c'est assez fort. Et donc tous ces objets de consommation courante ou de divertissement ont une dimension menaçante, parce qu'ils sont menaçants pour l'avenir de l'humanité. Et j'aime bien qu'il termine son film, enfin en tout cas la démonstration des jouets en marche sur Voldemort, quoi. Je trouve ça un petit clin d'œil assez amusant, et voilà, il arrive à faire une sorte de film d'horreur, film politique, film écologique, et c'est très court, c'est assez dense, et pourtant il se passe beaucoup de choses, c'est assez riche, et c'est un film intelligent, et je suis assez curieux même de la manière dont il a conçu son film, de savoir comment il a conçu son film techniquement, et sa réflexion pour mettre en scène de cette manière-là. Donc, je suis très séduit par Orgiastique Hyperplastique. Je suis curieux de voir ses autres films, parce que pareil, je ne connaissais pas son travail. Oui, c'est vrai qu'on voit énormément de films écologiques, environnementaux. Hein, c'est un peu le sujet à la mode. Et ils sont très, très souvent sur un mode extrêmement noir, culpabilisateur, voire apocalyptique. Et là, tout à coup, d'avoir ce film hyper vitaminé, hyper coloré, hyper joyeux, même la musique, enfin, il y a un truc très très gai, et qui, en même temps, oui, nous met face à nos contradictions. Et effectivement, j'aime bien le petit message final qui est c'était chouette, on vous a beaucoup aimé, mais maintenant c'est fini, on veut plus vous voir. Et pour cet aspect-là, pour ce côté militant, je trouve ça assez intéressant. Après, le film en lui-même, il y a un rythme, il y a un jeu sur les couleurs, sur le rythme, sur les images, qui est assez fascinant. Nicolas, est-ce que tu partages notre enthousiasme pour Paul Bouy? Oui, en fait. Oui, complètement. Bah, en fait, Paul Bush, justement, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Alors, on va dire qu'il a fait plus ou moins, je caricature un peu en disant ça, mais deux types de films. Il a fait des films qui étaient bien gravés sur pellicule au début des années 2000, fin des années 90, début 2000. Et après, il est arrivé aussi à une espèce de retour aux sources aussi de l'animation, en pensant véritablement le photogramme, c'est-à-dire que dans ses dispositifs, il va aligner des tonnes de matières, des tonnes de choses, il va prendre une photo et il va essayer de les mettre ensemble pour donner une espèce de déferlement quelque peu stroboscopique d'images, justement, photogramme par photogramme, et qui vont montrer la multitude de choses. C'est-à-dire quand il avait fait, par exemple, Ride, il avait donc son film précédent avec énormément de motos, il avait photographié je sais plus combien de milliers de motos, image par image, et il les avait mises les unes sur les autres pour essayer de créer un film. Et ici, en fait, il fait exactement la même chose. Enfin, il refait un petit peu, reprend un peu le même principe. Mais je trouve qu'il pousse le dispositif encore plus loin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il va pas juste faire ça, pour essayer de, comment dire, d'utiliser un simple dispositif technique. Il le fait justement ici dans un but qui est beaucoup plus politique que dans ses précédents films, donc Ride, voire même Five Minute Museum, même si dans celui-là il y avait déjà encore quelque chose, mais parce que ici justement on a une espèce de dénonciation de la matière plastique, du fait que le plastique est partout, qu'il pollue, qu'il y en a une quantité absolument démentielle, et que finalement il y en a de manière très très différente et sous des registres très différents, avec des jouets, avec des couteaux et des couverts en plastique, avec plein de choses différentes. Et en fait, le fait de pouvoir aligner ça tout en créant une espèce de narration, parce qu'il y a quand même quelque chose de narratif, et il y a quand même une espèce de principe narratif dans ces films, où en fait, au départ, on part de pratiquement rien, avec l'arrivée petit à petit grouillante de matériaux, etc., jusqu'à l'apparition de personnages, comme Pascal le disait, il y a Voldemort, et il y en a pas mal d'autres, il y a les tortues ninja, il y a pas mal de petites choses qui envahissent finalement notre monde, qui envahissent notre univers dont on ne veut plus, parce que finalement ils vont même si le plastique on l'a aimé et que le plastique ça a été quelque chose d'important dans le XXe siècle, finalement aujourd'hui c'est quelque chose qui est plus en train de nous bouffer notre monde et de nous bouffer nous qu'autre refuse de disparaître, et écologiquement c'est ça qui est catastrophique. Et lui, sans un seul mot, c'est-à-dire on va dire sans côté profondément didactique, sans essayer d'expliquer, de surexpliquer, d'avoir toujours le même discours que d'habitude avec une espèce de voix off, lui n'utilise pas du tout cette voix off, il va utiliser simplement le potentiel même du cinéma d'animation, le potentiel des images simplement, et du son aussi évidemment, mais pas du discours et pas de la voix, pour évoquer cet élément-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement passionnant, et surtout qui permet au film d'aller même encore plus loin que les autres films qu'il a fait et qui étaient du même ordre. Bien, très bien, je vois qu'on est donc tous d'accord sur ce très, très vitaminé, orgiastique, hyperplastique. Et moi, j'avais juste envie de dire que c'est un peu une banalité de dénoncer les couverts en plastique et ce genre de choses, comme on les voit dans le film, mais qu'effectivement, le plastique, c'est pas juste des couverts jetables, et qu'il y a tous ces trucs-là, et que cette dimension-là était, comme vous l'avez souligné, effectivement aussi intéressante, de voir que ça allait un peu au-delà, justement, des gestes qu'on a déjà faits, qui sont de remplacer les couverts en plastique. Maintenant, on les remplace beaucoup et on va en trouver de moins en moins, mais c'est qu'une petite partie du chemin. Voilà, je vous propose d'enchaîner avec le dernier film de notre petite sélection, qui est donc Malbec d'Ismaël Geoffroy Chandoutis. Ismaël Geoffroy Chandoutis est le réalisateur notamment de Onde Noire et de Swatine. Et voici le pitch de Malbec, qui s'écrit avec deux A et deux E. Pour vous donner une petite information, il ne s'agit pas du cépage de vin, mais bien d'une fameuse, malheureusement, tristement célèbre station de métro. Belge. Et donc le résumé, c'est Sabine qui est rescapée mais amnésique de l'attentat de la station de métro Malbec le 22 mars 2016 à Bruxelles, cherche l'image manquante de cet événement surmédiatisé et dont elle n'a aucun souvenir. Nicolas. Alors, je pense que ce film est probablement l'un des vraiment l'un des grands films et l'un des films les plus forts aussi de la compétition, dans le sens où Ismaël Geoffroy Chambukis, lui aussi, c'est pareil par rapport à Swatid, je trouve qu'il reprend des éléments qu'on a déjà vus dans Swatid, c'est-à-dire un rapport, on va dire, quelque peu hybride dans la manière dont il va composer ses images, en proposant justement dans Swatid, ce qu'il faisait, c'était prendre quelque chose de l'ordre du jeu vidéo et de la prise de vue réelle et des enregistrements, justement, vidéo, etc. aussi, d'essayer d'entremêler tout ça pour essayer de construire un monde. Là, en fait, il va s'amuser à reprendre ce côté hybride des images, mais pour proposer un film qui est un film que je trouve absolument passionnant sur la mémoire, sur le souvenir, sur justement la question de l'amnésie et sur un propos qui est aussi très contemporain sur la manière dont on a justement de pouvoir jouer avec ces images. C'est-à-dire qu'on est quand même avec une femme qui a été prise dans un attentat, qui est devenue amnésique, elle aurait facilement pu mourir de la manière dont on le montre, et elle va être à la recherche de ces images manquantes, en fait. De ces images qui existent, mais de ces images qui lui manquent. Quand je dis des images qui existent, c'est-à-dire que tout a été filmé, il y a des caméras de vidéosurveillance qui étaient un petit peu partout, et en fait, on a vu ces choses-là. Et en fait, le cinéaste va s'amuser à construire quelque chose, c'est-à-dire tout un dispositif, et notamment dès ce premier plan qui est assez impressionnant, où on va avoir une espèce d'image qui va se déliter, se décomposer, et puis ensuite essayer de se recomposer pour essayer justement d'évoquer quelque chose comme une forme de mémoire, une mémoire perdue, une mémoire qui est toujours là, une mémoire qui est évanescente, quelque chose qui est de l'ordre justement de la fonction du souvenir. Et je pense que justement Ismaël Geoffroy Chambukis, quand il fait un film comme celui-là, il se place véritablement dans une filiation assez directe et assez intéressante avec un cinéaste comme Chris Marker, par exemple, qui avait ce même type de réflexion sur ces mêmes types de sujets, et tout en repensant aussi la question des images et la question surtout contemporaine des images, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de reprendre à son compte tout le potentiel esthétique, plastique des images contemporaines telles qu'elles figurent, que ce soit celles qu'on voit sur YouTube, les caméras de vidéosurveillance, les images reconstruites, les images numériques, les images de synthèse, etc., pour essayer de repenser, et la prise de vue réelle aussi, d'une certaine façon, pour essayer de repenser finalement le monde entier et le monde intérieur et le monde, l'univers mental de cette femme qui est perturbée après l'attentat parce que elle peine à pouvoir se reconstruire parce que justement, il y a des images qui lui manquent et qui ne lui permettent pas justement de se reconstruire pleinement. Oui, tu l'as dit, Nicolas, le film s'inscrit dans une veine qui est très, très, très, très forte ces dernières années. On voit énormément de films qui travaillent sur le found footage, sur les images YouTube, sur les images des réseaux sociaux de manière générale, qui utilisent tout ce qui est nouvelles images. Il le fait très bien, il le faisait déjà très bien dans Swatid, pour lequel j'avoue je continue à avoir une préférence parce que voilà, Swatid était peut-être un petit peu en amont et avait un propos extrêmement, extrêmement fort sur la manière de mélanger la forme et le fond, j'ai envie de dire, avec ces images totalement hallucinées où on ne savait plus si on était dans le jeu ou si on était dans la réalité. Là, avec Malbec, voilà, il a atteint un seuil extrêmement fort. Enfin, voilà, le film est évidemment très fort. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence. Il a eu le prix du public. C'est toujours un signe. Il est extrêmement efficace dans ce qu'il raconte. En 15 minutes, tout est posé, tout est propre. Moi, je le trouve un poil trop efficace. J'avoue que je trouvais que Swatid me convainquait plus, justement, parce qu'il me semblait pas rechercher cette efficacité à tout prix. Et voilà. Après, on peut ergoter. Il y a des petites afféteries dans le film, il y a des petits passages qui me semblent un peu poseurs. Je trouve que le témoignage est très fort, mais c'est un témoignage qui a été beaucoup retravaillé, qui a été beaucoup réécrit, et voilà, ce qui moi m'interroge un tout petit peu là-dessus. Après, voilà, il faut bien créer un peu de débat. Évidemment, c'est un film que moi je trouve extrêmement intéressant et qui était effectivement probablement parmi les plus intéressants de ce qu'on a vu là dans la section labo cette année. Ouais, je trouve le film aussi assez exemplaire. Je comprends vraiment tes réserves, hein, c'est soit Petit Affaitri notamment, mais qui arrive à être exemplaire sur. C'est très difficile de trouver la juste distance sur le type de projet documentaire. Ça pourrait être très vite crapoteux ou maladroit. S'il y a des maladresses sur ce type de sujet, ça peut être très gênant. Et là, il arrive à toucher un propos à la fois direct. C'est-à-dire qu'il parle de ce sujet-là bien précisément et il le rend plus universel en travaillant cette question de la mémoire absente pour l'une, et c'est un problème, et trop présente pour les autres, et c'est aussi un problème. C'est comment il est... J'aime comment il écoute ses intervenants, en fait. Alors, c'est vrai qu'il avait beaucoup fait retravailler certains échanges, et il arrive à capter une réalité intime en parlant d'un drame public, et c'est vraiment très fort. Il arrive à concilier cette recréation de l'image, de cette fameuse image manquante, cette fameuse idée d'image manquante à travers la manière dont il combine la dimension documentaire, comment il retravaille les images d'archives, comment il transcende l'image de base, en un propos très écrit, c'est très cadré sur un temps très court, comme tu disais, et c'est. Ça reste quand même. Ça, c'est non seulement un des films les plus forts de ce que j'ai vu de cette sélection et aussi de ce que j'avais vu tout court l'année dernière, quelle que soit la durée, le format, le genre. C'est un film très marquant, en fait. Et j'avais aimé aussi comment il avait retravaillé son film quand il s'était rendu compte d'une maladresse, un personnage qui était dépeint comme suspect, comme finalement c'est moins clair, que la réalité est peut-être moins claire. Il a supprimé ce passage, donc il fait attention à son propos, ça, c'est ce type de sujet. C'est très important parce qu'en fait, comme il crée une image manquante, il faut faire attention à ne pas biaiser la réalité. Et en plus, tout en ayant transcendé par la manière dont il travaille la matière du film, à transcender cette réalité. C'est un équilibre assez exemplaire. Nicolas, un mot à ajouter ou est-ce qu'on a tout dit sur Malbec ? Très bien. Ça va, très bien. Ça va très bien. Eh ben, écoutez, je vous propose de conclure cette table ronde spéciale Clermont par des coups de cœur, des films que vous voulez absolument déconseiller, qu'il faut absolument pas regarder. Enfin, je ne sais pas, tout ce que vous avez envie d'ajouter sur ce qu'on a vu là à Clermont. Nicolas, je te laisse commencer. Alors, évidemment, il y a toujours, au niveau des coups de cœur, on va dire il y a les mêmes aussi parfois que ceux qui reviennent depuis le Festival d'Annecy, notamment évidemment pour moi il y a toujours Homeless Home d'Alberto Vasquez que j'ai trouvé que j'aime énormément et que je ne peux pas m'empêcher de conseiller à tout le monde. Il y a un film, il faudra juste que j'essaie de retrouver le titre, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire par rapport au titre que j'ai perdu. Au pire, je laisse Pascal continuer et je reviendrai juste Allez, dessus après. Pascal, on va alterner en fait, comme ça on peut donner chacun des titres à tour de rôle, ça permet voilà. Je vais essayer de faire court. Alors il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées à des degrés divers et variés, mais j'aime bien l'érotisme ludique de Praka, la machine à laver nymphomane d'Alexandra Majova. Désolé si j'écorche son nom. Bon, c'est très léger, mais je trouve ça amusant. Incomplete Woman aussi, le film coréen avec cette étudiante retrouvée coupée en morceaux et qui dit quelque chose sur l'indolence de la jeunesse, sur l'envie de se libérer du carcan de soi-même, plus que des autres d'ailleurs, mais aussi des autres. Le propos d'Ordering Lovers, c'est pas super original, mais, enfin, dans l'absolu, mais je trouve qu'elle traite de manière assez dense d'un sujet dramatique qui est qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, comment on humilie la femme très vite dès qu'il y a une guerre, un conflit, et comment ce personnage réel, c'est un documentaire animé sur une femme qui a réellement vécu, qui est tombée malade, qui a eu une MST en étant violée, qui se venge d'une certaine manière, commenté par des habitants de la ville aujourd'hui. Enfin, il y a un propos très traité très rapidement sur un format dense pour dire des choses comme ça qui peuvent avoir un côté banal, mais qui sont dites avec une vraie force, en fait. Notamment qu'il y a tel swing, qu'il y a des viols dans chaque camp, il n'y a pas les bons et les mauvais. Enfin, c'est très fort sur quelque chose de terriblement éternel. Après, il y a des petites choses que j'ai aimées en biais. Je n'ai pas vraiment adhéré à Elfer de Anna Zolossi, le film hongrois. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup l'élégance de son image, du bleu qui est utilisé, comment il est utilisé. C'est un petit détail, mais j'avais plutôt bien aimé ça. Et sinon, dans le jet, j'ai eu beaucoup de mal avec Nightbus du film taïwanais, je trouve qu'il s'égare un peu dans les clichés de films d'horreur, l'image est assez laide. Et je trouvais un peu facile d'avoir que des personnages antipathiques, très obéissants, très vite, et... Pardon, je ne contextualise pas forcément tous les films, mais je fais un peu vite, mais il y a des éléments du récit qui se découvrent tardivement, mais on s'en désintéresse un peu. Je trouve le film assez banal, je me demande ce qu'il fait dans la compétition labo. C'est pas très convaincant, c'est dommage. Il y a de l'idée, j'aime bien l'idée d'un côté un peu trash, vraiment sale, qui aurait pu me plaire, mais c'est dans l'écriture, je trouve ça assez pauvre, en fait, et c'est dommage. Voilà, si je cite un rejet, c'est peut-être celui-là, parce qu'il est trop long, parce qu'il est mal écrit. Enfin, bah, je ne suis pas convaincu de la dimension de vengeance. Puis il y a des effets de mise en scène que je n'aime pas du tout. À un moment, il y a un regard sur un personnage qui regarde un collier, et on sent qu'il va le voler. Quand le collier est volé, évidemment, il est suspecté. Le personnage qui le regardait, lui, en train de regarder ce collier, c'est un regard extérieur du metteur en scène pour orienter le regard du spectateur. Et je trouve ça assez pauvre en termes créatifs. Ouais, je te rejoins complètement sur Nightbus. C'est un film qui est assez insupportable, très très putassier dans ce qu'il montre, dans la manière dont il montre. Enfin, moi, j'ai pas du tout accroché non plus. On peut effectivement s'interroger sur qu'est-ce qu'un film comme ça fait sélectionner en labo. Après, je comprends l'idée de vouloir le montrer. C'est un film taïwanais qui dure presque 20 minutes. Enfin, c'est extraordinairement long, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'ambition de faire quelque chose d'un peu long et tout. C'est effectivement pas un des grands moments de cette compétition. Nicolas, est-ce que tu as retrouvé le titre du film dont tu voulais nous parler ? Oui, alors par contre, justement, c'est pas forcément un film, et c'est l'avantage de cette édition de Clermont-Ferrand aussi, c'est que comme on avait accès au catalogue marché, on pouvait aller au-delà de la compétition pour voir à peu près d'autres films qui auraient été envoyés mais qui n'auraient pas été sélectionnés pendant le festival. Et il y a notamment parmi ces films-là, en cherchant un peu à droite à gauche et en essayant de papillonner et de regarder à droite et à gauche, quelques films qui m'ont beaucoup intéressé, notamment un qui m'a plu et qui a été peu montré en festival justement pour le moment. Et je ne sais même pas d'ailleurs s'il commence pas sa carrière, mais je pense pas non plus à Clermont-Ferrand, ça m'étonnerait quand même. Mais c'est un film que j'aimerais bien pouvoir voir sur grand écran et donc qui mériterait à mon avis, enfin ce serait bien qu'un festival puisse le sélectionner quand les festivals auront repris pour qu'on puisse le découvrir sur grand écran. C'est un film de deux femmes qui s'appellent Yelena Girlin et Marilys Basovskaya, qui sont estoniennes, et c'est un film d'animation qui s'appelle Armatoucest, donc d'une certaine façon armature, j'imagine, et qui est un film en marionnette. Et donc c'est deux femmes qui souvent font des films, enfin c'est pas leur premier film, elles ont déjà fait plusieurs, toujours en marionnette, avec des marionnettes qui sont quand même aussi assez belles et en même temps assez envoûtantes et en fait assez perturbantes dans la manière dont elles sont construites. Là, en fait, elles vont évoquer le délitement dans un couple, l'espèce de monotonie qui peut s'installer dans un couple, mais en fait en créant des personnages dont les visages par exemple vont se casser, vont faire apparaître autre chose, donc il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'intériorité qui va essayer d'être montrée dans notamment les armatures des personnages qui vont essayer de transparaître par moments. Oui, dans tout un univers qu'elles vont essayer de composer, qui va être à la fois assez réaliste et en même temps qui va parfois tendre vers une espèce de forme gothique et quelque chose de l'ordre d'une lenteur aussi qui épouse la monotonie du couple et qui est assez perturbant et assez passionnant justement quand on le voit, qui est vraiment hypnotisant et envoûtant et en même temps laisse un petit peu en retrait, mais je pense que c'est aussi la volonté justement de ces deux femmes. Et elles avaient déjà fait plusieurs autres films qui étaient vraiment vraiment magnifiques et vraiment vraiment passionnants et qu'on voit relativement peu malheureusement en festival depuis une bonne 10-12 ans. Et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur elles. Donc Yelena Girlin et Marylis Vasovskaya, leur film, c'est un film estonien. Alors je ne sais pas si celui-là, comme les autres, a été produit par Nuku Film, mais en tout cas, c'est de là dont elles viennent essentiellement. Eh bien, à suivre donc dans un prochain festival qu'on espère pas en ligne. Moi, j'avais également quelques films que j'avais repérés dans la sélection. Alors, on va faire une petite parenthèse puisqu'on va pas parler d'animation pendant 3 minutes. Mais il y a un des films du Labo qui m'a un petit peu interpellée, qui s'appelle Santiago 1973-2019 de Paz Corona, qui est assez classiquement un film de montage qui mélange des images de l'époque Pinochet au Chili et des images de notre époque contemporaine, avec toutes les émeutes, toutes les manifestations et les protestations de rue qu'il y a eu au Chili ces dernières années. Et voilà, c'est un film qui est extrêmement efficace en termes de montage. Il y a à la fois l'idée de témoigner de ce qui se passe aujourd'hui au Chili et de comment ça se passe. Il y a évidemment l'idée de mettre ça en miroir avec le passé, avec un côté un peu désespérant, des choses qui se répètent, puisqu'il y a un effet de split screen par moment, on voit les images de part et d'autre de l'écran et on finit par ne plus savoir, en fait, parce qu'on ne sait pas si ce qu'on voit sont des images d'aujourd'hui ou des images d'autrefois. Enfin, voilà, ça se mélange. Et ça fait aussi un peu écho avec des images de guérilla qu'on connaît très bien chez nous et qui ressemble exactement à ça, avec des déchaînements de violences policières. Enfin, là, c'est l'armée, en l'occurrence, au Chili. Mais bon, les images sont un peu les mêmes, avec des gens qui sont traînés, etc. Voilà, c'est un film qui m'a bien intéressée par cette idée-là. Après, effectivement, encore une fois, on peut s'interroger pour savoir si c'est vraiment un film qui est d'une singularité absolue ou pas. Non, je pense que ça avait sa place probablement en compétition internationale. Mais en tout cas, c'est un film qui est très efficace, très court aussi. Il fait une petite dizaine de minutes, je crois, et voilà, qui en dit assez long. Et après, je suis comme Nicolas, je suis allée un petit peu fouiner dans le catalogue, puisque là, Clermont avait la gentillesse de nous laisser accès à son catalogue, et je suis allée un peu fouiner pour prendre, je sais pas si on peut dire prendre un peu d'avance, mais en tout cas voir ou revoir des films passé. Et j'avais envie de parler d'un film qui commence seulement sa carrière, là, qui a été un petit peu montré, mais pas trop, qui s'appelle Écorce, de Samuel Pathé et Sylvain Monet. Samuel Pathé, c'est celui qui avait fait ce film de fin d'études qui s'appelait Travelogue Tel Aviv. Et là, il a posé son carnet et son crayon dans une maison de retraite. Et voilà, il capture des petits moments de vie dans cette maison de retraite. Alors, ça ressemble beaucoup à son film précédent. C'est très ténu, c'est des petites scènes qui se succèdent. C'est vraiment dessiné avec cette impression qu'on est en train d'assister au dessin en train de se faire. Par moments, on est sur des pages, vraiment sur des pages de carnet. Et c'est très sensible comme film. C'est pas un énorme film qui en envoie plein la vue, etc. Mais il y a quelque chose dans cette idée documentaire, vraiment, d'aller poser son crayon et son cahier, comme on le ferait avec une caméra, dans un lieu, et puis d'en croquer des petits moments, de croquer des personnages, et de de nous immerger dedans. Il n'y a pas de voix off, hein, rien du tout, mais c'est voilà, enfin, pas de voix off, je veux dire explicative, hein, on entend des bribes de dialogue, etc. Et c'est un film qui est assez joli et dont j'espère qu'on, voilà, encore une fois, on radote un peu, mais qu'on pourra le voir sur grand écran dans les mois à venir. Nicolas, est-ce que tu avais un autre film à nous recommander ? Oh, il y en aura quand même quelques autres, mais je vais laisser mon tour. C'est vrai que cette année, c'est pas une année où, en fait, il y a non plus énormément de films qui m'ont marqué, ou la plupart des films, en tout cas, enfin, la plupart des films qui m'ont le plus peut-être marqué sont des films que j'avais déjà vus avant. Donc, au niveau des découvertes, j'avoue qu'il n'y en a pas eu encore énormément de véritables découvertes. Eh bien, je vous propose, dans ce cas, de nous dire au revoir, de dire au revoir à nos éditeurs. On espère qu'on vous a donné quelques conseils. Alors, les films ne sont pas forcément visibles tous maintenant comme ça, mais guettez-les, il y en a pas mal qui vont sans doute repasser. Il y a toujours Arte qui en diffuse. Enfin, voilà, pour voir du court-métrage, et notamment du court-métrage d'animation, il y a plein de moyens. Et on vous donne rendez-vous, on espère, bientôt, pour une autre table ronde, une autre émission. Voilà. Au revoir à tous et merci. Au revoir à tous et merci. Au revoir. Do you remember? Couldn't I love you more? It was not long ago, but things didn't stay the same. We came to a crossing road, and I gave up your hand. Your hand that I used to hold. Believe me, this was it. I had to draw the line between your life and mine. You have to understand. I had to leave. I had to go before we both destroyed our souls. We fell and we had to face that we fell into hell. But things didn't stay the same. We came to a crossing road.